Exercice 5, page 23. A. Les maths. B. La pub. C. Le prof. D. Le métro. E. La météo. F. Le ciné. G. L'appli. H. L'info. I. La télé. J. La photo.